بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن شاء الله تعالى نواصل مع السيرة ونكتشنو قطر بيوغرافي du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. La semaine dernière on s'était arrêté à la révélation. On avait parlé de la révélation et on s'était arrêté aux formes de révélation. Donc ici, le sujet qui va nous importer le plus au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui concerne donc après la révélation, bien sûr, la proclamation de la da'wah. Donc on va parler de la proclamation de la da'wah, mais ici, la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de terminer le sujet concernant la révélation, al-wahi. C'est pour ça que je le termine rapidement, incha'Allah ta'ala, en introduction dans ce cours. Donc on s'est arrêté aux formes de révélation. Donc on avait dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, donc comme ceci est connu chez la majorité walillahi alhamd des musulmans, a eu la révélation, et le premier verset coranique ou les premiers versets coraniques qui sont descendus, et je ne parle pas de la première sourate, mais les premiers versets coraniques qui sont descendus sur le messager d'Allah et alayhi salatu wassalam sont bien sûr iqra. Donc on a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam est rentré terrifié chez Khadija radiyallahu anha wa ardaha, cette femme, cet exemple qui a ici réconforter le prophète alayhi salatu wassalam. Et de quelle manière? Et on a dit et on a rappelé que Khadija et le comportement qu'elle a eu doit être un exemple pour les femmes musulmanes au jour d'aujourd'hui. Et elle a réconforté le prophète alayhi salatu wassalam en lui citant ses qualités. Voilà comment Khadija radiyallahu anha wa ardaha a accueilli et a réussi à réconforter la meilleure des créatures sur la surface de la terre, alors que c'était le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est qui l'a réconforté? Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Voilà que le prophète alayhi salatu wassalam, ayyuhal ahbab, a reçu al-wahi, la révélation. Raja'a ma'a iqra. Il est revenu de cette grotte où il allait ici s'isoler pour méditer, pour avoir un temps de réflexion, où il passait son temps pour se détourner ici de ash-shirk, ici se détourner et s'éloigner de ash-shirk qui était répandu ici à la Mecque. Alors qu'il méditait, Jibril alayhi salam est venu pour la première fois, car il est venu plusieurs fois, Jibril alayhi salam, voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est la première fois où Jibril alayhi salam est apparu au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc Jibril est apparu et a révélé ce verset coranique à Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq ila akhir al-ayah. Naam. Donc ensuite le prophète alayhi salam est rentré chez lui, terrifié. Ici concernant les révélations, avant de continuer, concernant les révélations, ou plutôt les formes de révélation. Comment le prophète alayhi salam avait cette révélation? De quelle manière? Quel était son comportement au moment où il avait al-wahi? Comment il pouvait supporter, plutôt comment il supportait ces différentes formes, car il y a différentes formes de révélation. Ici d'abord on a un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Selon Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, rapporte de Al-Harith ibn Hisham radiyallahu anhu, qu'il avait demandé au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, au messager d'Allah, comment reçois-tu la révélation, al-wahi? Il a interrogé le prophète, comment tu reçois la révélation? Et le prophète alayhi salatu wassalam répondit, parfois sous forme de bruit d'une cloche. Parfois sous forme de bruit d'une cloche. Voilà comment le prophète alayhi salatu wassalam recevait al-wahi. Ce n'était pas quelque chose de facile, quelque chose de simple. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de al-Qur'an al-Karim, et il dit dans al-Qur'an al-Karim, en parlant de ce noble livre, Allah jalla wa ala yaqul, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Ça c'est concernant al-Qur'an al-Karim. Si ce Coran était descendu sur une montagne, la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Tu l'aurais vu s'effondrer par humilité envers son Seigneur ou devant son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Alors imaginez-vous comment le prophète alayhi salatu wassalam devait endurer cette révélation. Et il dit dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il est rapporté que le prophète de temps en temps, parmi les formes de révélation, il dit parfois sous la forme de bruit d'une cloche, et c'est la plus pénible forme pour moi. C'était la plus pénible forme de révélation pour le prophète alayhi salatu wassalam. C'était très pénible pour lui. Ensuite, il dit Quand le porteur de la révélation s'en va, je retiens tout ce qui m'a été révélé. Parfois, ce dernier se présente à moi sous forme d'un ange qui me parle. Aïcha radiyallahu anha, elle dit, en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, donc le prophète, il a dit quelquefois, c'est un ange qui vient, malak, et qui me parle directement. Naam. Donc on voit que ça, c'est le deuxième ou la deuxième forme de révélation. D'accord? Sous forme de bruit d'une cloche, première forme. Deuxième forme, un ange qui vient et qui parle directement au prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha wa arda. Elle poursuit en disant, je l'ai vu recevoir la révélation dans une journée glaciale. Dans une journée glaciale. Comment endurer le prophète alayhi salam ses formes de révélation? Elle disait alors qu'il faisait très froid. Ici, dans une journée glaciale, je l'ai vu, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, transpirer et la sueur couler de son front suite à cette révélation. Alors qu'il faisait très froid, Aïcha a ici assisté à un type, ou plutôt au moment où le prophète a reçu la révélation, et elle dit, et là, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam transpirer et la sueur couler de son front suite à cette révélation. Donc ce n'était pas quelque chose de facile. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, ici, a supporté ici les difficultés de la révélation. Ça, c'est parmi les formes. Il y a d'autres formes. Rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Comment le prophète supportait? Et comment était intense, ici, la révélation? Et comment était difficile à supporter la révélation pour le prophète, alayhi salatu wassalam? Regardez ce que dit Zayd, radiyallahu anhu wa arda, ibn Thabit. Il dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Hadith sahih, rapporté par l'imam al-Bukhari. C'est Zayd ibn Thabit qui dit, il dit, la révélation lui vint une fois, pendant que sa cuisse était appuyée sur celle de Zayd qui faillit s'écraser. Alors que, ici, le prophète alayhi salatu wassalam avait la cuisse, ici, posée sur la cuisse de Zayd, celui-ci dit, alors que le prophète a reçu la révélation pendant que sa cuisse était posée sur ma cuisse faillit s'écraser. Tellement qu'elle était lourde, la cuisse du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Car à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam, ici, avait une révélation de la part de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc c'était très éprouvant pour le prophète alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jal, il dit dans le Coran al-Karim, il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation. D'accord? Ça nous montre des autres. Après on va résumer, selon ce qu'a dit Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Pour nous montrer les formes de révélation encore. Allah il dit dans le Coran al-Karim, il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui parle autrement que par révélation. Ou de derrière un voile. Ou qui lui envoie un messager, c'est-à-dire malak, un ange. Ou un ange qui révèle bi idnihi, par sa permission à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire Allah, ce qu'il veut. Il est sublime et sage. Sourate 42, verset 51. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans le Coran al-Karim, dans la sourate 26, verset 193-194. Et l'esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, Jibril, suivez bien, Jibril alayhi salam, est descendu avec cela sur ton cœur. On parle de qui? Du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. D'accord? Donc, d'après tous ces hadiths, ou tous ces hadiths et ces versets coraniques, en résumé, pour parler des formes de révélation, ici, que le prophète alayhi salatu wa salam a eu, ou les formes de révélation qui touchent le prophète alayhi salatu wa salam. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, il dit dans Zad al-Ma'ad, on distingue six modes de révélation. Il y a six modes de révélation. D'accord? Il dit, conversation directe entre Allah et son prophète. Ça, c'est un type de révélation. Ou. D'accord? Soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième, soit le quatrième, soit le cinquième, soit le sixième. Ou Allah subhanahu wa ta'ala parle directement au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Ou alors à un prophète. Voilà les types de révélations. Donc, il y a la conversation directe entre Allah et son prophète. Allah azza wa jal, il parle directement à son prophète. Ou bien, par l'intermédiaire de quoi? Un rêve. Ou bien le prophète alayhi salatu wa salam a la révélation, ici, par l'intermédiaire de quoi? Un rêve. Par rêve. Ou bien, par l'intermédiaire de Jibril, alayhi salam, alors que celui-ci, Jibril, alayhi salam, apparaît au prophète, sous son apparence réelle. Sous son apparence réelle. D'accord? Donc, soit Allah, il parle directement au prophète, alayhi salatu wassalam, ou bien, soit par rêve, par l'intermédiaire d'un rêve, et on avait dit que ça, c'était, le premier signe de la prophétie du prophète, alayhi salatu wassalam, comme Aïcha, radiyallahu anhu, ardaha, l'a expliqué dans le long hadith qu'on a cité la semaine dernière, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Aïcha a attesté que, ici, le prophète avait des rêves, véridiques. Le prophète avait des rêves véridiques avant qu'il y ait Iqra, la révélation de Iqra. Donc il y a par le rêve. Ça c'est la deuxième des choses. Troisième, Jibril alayhi salam, qui apparaît sous sa vraie apparence. La vraie apparence. Donc il voit Jibril, c'est Jibril alayhi salam qui voit. Ça c'est le troisième type. Quatrième type, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Jibril toujours. Donc Jibril, lakin sous une apparence humaine. Dans le hadith connu, où Jibril alayhi salam est apparu au prophète alayhi salatu wassalam, donc il s'est posé en face du prophète alayhi salatu wassalam, collé ses genoux près ou avec les genoux du prophète alayhi salam, et il lui a posé les questions, d'accord, concernant les piliers de l'islam. Ici le hadith est connu. Et yani, plusieurs fois Jibril est apparu ici auprès du prophète alayhi salatu wassalam sous l'apparence d'un ins, d'un être humain. D'accord. Soit il apparaît sous sa vraie apparence, soit sous l'apparence d'un être humain. Ça c'est des choses à retenir. Il y a aussi l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Toujours Jibril. D'accord? Toujours l'apparence de Jibril alayhi salam. Ou plutôt de l'intermédiaire de Jibril, lakin qui apparaît. Non pas sous sa forme réelle, non pas sous la forme d'un être humain, mais qui apparaît au prophète alayhi salatu wassalam sous forme, invisible. Il ne le voit pas le prophète alayhi salatu wassalam. C'est Jibril qui est là, lakin il ne le voit pas. Invisible. D'accord? Et il y a la sixième forme ici, ou mode de révélation. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, la sorte de bourdonnement dans les oreilles. Ou, ici, ce qui, le prophète alayhi salam dit dans le hadith qui concernait ou qui, s'assimilait un peu à, le bruit d'une cloche. D'accord? Donc, certains disent bourdonnement, bruit d'une cloche, à la koulihal, dans les oreilles du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme le prophète alayhi salam l'a dit, c'était la forme la plus pénible à supporter. C'était la forme la plus pénible à supporter. Voilà, ça c'est les modes de révélation. Labout, quand on parle de la révélation al-wahi concernant le prophète alayhi sallam, on doit parler de ces modes de révélation pour comprendre comment le prophète recevait la révélation. Donc, quand on a compris ça, on a enregistré ça, c'est déjà énorme. Alhamdoulilah, c'est déjà quelque chose, un bon bagage concernant ici ce sujet al-wahi ou al-bi'tha, yani la révélation ici du prophète alayhi sallam. D'accord? Donc, ça, après que le prophète alayhi sallatu wassalam ait eu cette révélation de la part de Jibril alayhi sallam, Iqra, quand il est rentré chez Khadija, alors qu'il était choqué et que Khadija l'a réconforté, une période est passée. Donc pendant cette période là le prophète alayhi sallatu wassalam n'a plus eu aucune révélation. D'accord? La première fois que Jibril alayhi sallam est apparu au prophète alayhi sallatu wassalam et qu'il est rentré chez Khadija choqué, terrifié, et que Khadija l'ait réconforté, une période s'est passée. Il n'a plus rien eu. Naam, il n'a plus rien eu. Donc, à ce moment-là, ici, le prophète alayhi salatu wassalam, ce temps-là, cet abs de temps-là, ce temps, entre guillemets, creux, lui a permis de quoi, au prophète alayhi salam? Retrouver un peu ses esprits, comme disent les savants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, regarde un peu. Ici, avec hikmah, avec sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, et Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Il sait que le prophète alayhi salatu wassalam, ça a été très dur pour lui, cet événement, quand il était dans Ghar Hira, et qu'il a reçu cette révélation. C'était très dur. Il a été choqué. Il a été terrifié. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, de par sa sagesse, a laissé un temps, ici, pour que le prophète alayhi salam retrouve ses esprits. Et pour aller doucement. Pour aller doucement avec qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Al-ajalatu min ash-shaytan. La précipitation, comme le prophète al-Sam dit, vient de shaytan. Et ça nous apprend à nous aussi. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut aller étape par étape. Et il ne faut pas se précipiter. Surtout quand, ici, tu vas, ici, entreprendre une grande affaire. Ou un grand projet. Il faut vraiment aller doucement. Mais, sûrement. Le prophète alayhi salatu wassalam se retrouve dans cette période creuse pour pouvoir un peu, ici, entre guillemets, retrouver ses esprits. D'accord? Retrouver un peu ici ces esprits. Pour que, comme les savants le disent aussi, pour que la peur se dissipe. Naam. Et aussi, parmi les sagesses, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y ait eu une période de creux, les savants disent aussi, c'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala rappelle aux gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce qu'il veut et quand il veut. Et ça ne dépend pas du prophète alayhi salatu wa salam. D'accord? Et ça nous rappelle aussi que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide quand il va révéler une chose, à quel moment et pour quelle personne. D'accord? Hikmatullahi tabaraka wa ta'ala. Ça c'est une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Pour nous rappeler que tout est bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Ensuite, rapporté par ici dans un hadith al-sahih, selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, il rapporte ce sujet qu'il a entendu du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, que celui-ci a dit. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, alors que je marchais, donc c'est le prophète qui rapporte, donc après la période creuse, le prophète il rapporte, alors que je marchais, j'entendis soudain une voix venant du ciel. Alors, levant les yeux, je vis le même ange qui m'était apparu à la grotte de Hira, c'est-à-dire Jibril alayhi salam. Lakin, ici le prophète alayhi salatu wassalam a vu Jibril sous sa vraie forme, sous sa vraie apparence, alors qu'il marchait tranquillement. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, je levai mes yeux au ciel et je vis le même ange qui m'était apparu à la grotte de Hira, assis sur une chaise, c'est qui? Jibril alayhi salam. Assis sur une chaise entre le ciel et la terre. Je fus tellement surpris que je retournais chez ma famille. Une deuxième fois, le prophète alayhi salatu wassalam, il a été encore choqué. Il a été surpris. Il a été terrifié. Il n'a pas vu n'importe qui. Il a vu Jibril alayhi salam, ayyuha al-ikhwatul kiram, sous sa vraie apparence. Et il dit quoi? Assis sur une chaise. Takhayyal. Ici, essaye de méditer un peu cette situation-là où le prophète alayhi salatu wassalam voit ici en levant ses yeux au ciel, Jibril, ici qui est sur une chaise, entre le ciel et la terre. Je fus tellement surpris que je retournais chez ma famille et je m'écriais, Zemmilouni, Zemmilouni, enveloppez-moi, et on m'enveloppa. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla les versets coraniques, ô toi Muhammad, le revêtu d'un manteau. Ya ayyuhal mudathir, c'est qui? Le prophète alayhi salatu wassalam, revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Et ton Seigneur célèbre la grandeur. Et tes vêtements purifie-les et de tout péché écarte-toi. Ya ayyuhal mudathir, qum fa anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Wa rujza fahjur. C'est-à-dire de tout péché écarte-toi. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset coranique ici, pour ordonner au prophète alayhi salatu wassalam, de quoi? De commencer quoi? Ad-da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala. La première révélation, est-ce que le prophète il a eu l'ordre d'appeler les gens ici à l'islam? Non, abadan. Et c'est pour ça que certains savants disent que là, dans ce passage de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, on voit deux choses. La preuve de la prophétie et la preuve de quoi? Que le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas qu'un prophète mais aussi un messager. Car Allah subhanahu wa ta'ala, au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète alayhi salatu wassalam, Iqra. Donc ça prouve que le prophète est un prophète. Mais à partir du moment où le prophète a l'ordre de quoi? De transmettre, de bellar, de transmettre, ça prouve que c'est un messager. Ça prouve que c'est un messager. Et ça c'est parmi les choses ou les différences qu'il y a entre le prophète et le messager. C'est que le messager, Ar-Rasoul, il a l'ordre de transmettre ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle. Et en plus de ça, Ar-Rasoul, laysa an-nabi, Ar-Rasoul, en plus de ça, qu'est-ce qu'il a? Comme chose qui diffère du prophète, c'est que quoi? Il apporte des choses nouvelles de la part de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Des nouveaux jugements. Des nouvelles règles religieuses, contrairement au prophète qui ne fait que répéter, yukarrir wa yuraddid, ce avec quoi est venu ou ce qu'ont transmis les prophètes qui étaient avant lui et les messagers. Et principalement, at-tawhid. Naam. Donc, là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuhal mudathir, qum fa'anzir. Ça prouve que le prophète alayhi sallam est devenu messager à ce moment-là. D'accord? Donc, ici, le prophète alayhi sallam a eu cet ordre de la part de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Vous avez vu les étapes? Après qu'il ait repris ses esprits, Allah a envoyé Jibril alayhi sallam sous sa vraie forme, ici. Et ça, ça montre que, ici, le prophète devait monter de niveau, là. Le prophète devait monter de niveau. Et il avait cette lourde responsabilité de quoi? De transmettre. Mais ça, dans la transmission de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, à da'watu ila Allahi tabaraka wa ta'ala, ici, il y a deux étapes qu'a vécu le prophète alayhi salatu wa salam. Deux étapes. Il y a la première étape qui est quoi? La proclamation discrète. C'est riya, discrète. Et la deuxième étape, c'est quoi? La proclamation ouverte. C'est-à-dire devant tout le monde. On se cache plus. La première étape, c'est après que le prophète alayhi salam a eu ce verset coranique. Donc Allah lui a ordonné de transmettre. D'accord? Et il a eu l'ordre de transmettre, et le prophète alayhi salatu wasalam, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à da'wa avec qui? Avec ses proches. Avec sa famille. Et on a la preuve. Il a commencé avec qui? Khadija radiallahu anhu wa ardaha. Il a commencé avec Khadija. Donc sa famille. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. D'accord? Ou vous qui avez cru, préservez vos personnes ainsi que vos familles du feu. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a plus goûté, comme on l'avait dit précédemment, au quoi? Au repos complet depuis qu'il a eu la révélation de ce verset coranique, Ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir. Donc il a commencé cette da'wa. Et les premiers convertis ici à l'islam, il y a eu bien sûr Khadija, Waraka, comme on les avait cités la semaine dernière. Il y a eu Zayd ibn Thabit. Il y a eu ici Abu Bakr, Uthman ibn Affan, Sa'd ibn Abi Waqqas et d'autres. Ça, c'est parmi les premiers qui se sont convertis à l'islam. Donc le prophète alayhi salam a commencé vraiment avec les proches. Khadija, Waraka, donc ici Zayd ibn Thabit. Et ensuite, ceux-ci, parmi eux, Abu Bakr, radiyallahu anhu arda, il a été la cause de la conversion de beaucoup de montagnes, de beaucoup de grands compagnons. Parmi eux, Uthman ibn Affan, Sa'd ibn Abi Waqqas et d'autres. Donc il y a eu un petit groupe qui a commencé à se former. Mais c'était une da'wa discrète. C'était une da'wa discrète. Et ça prouve encore la hikma du prophète alayhi salatu wassalam. Car on avait dit que al-hikma, c'était quoi al-hikma? Comme l'avait dit Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Et je ne parle pas de la hikma qui est liée au livre. Al-Qur'an al-Karim. Quand on entend al-hikma liée au Coran, al-hikma, ça veut dire la sunnah. Lakin al-hikma, on parle pas de al-hikma qui est lié au livre. Al-hikma, comme l'a expliqué Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, c'est quoi? C'est d'avoir le comportement qu'il faut. D'accord? Le bon comportement, le comportement qu'il faut. Au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, donc on voit ici qu'il a estimé bon de faire cette da'wa discrètement. Et ils n'allaient pas proclamer ouvertement alors qu'ils étaient combien? Il était tout seul au début. Après 2, 3, 4, 5. Donc il a ici mis en place une certaine stratégie. Au début on fait un gros groupe, solide, solide. C'est pas n'importe qui s'est converti. C'est les montagnes, ayyuhal ikhwatul kiram. C'est as-sahaba radiyallahu anhum wa arda. Wa minhum, il y a ceux qui ont été promis au paradis parmi les 10. D'accord? Et ici, bien sûr, ça c'est un hadith concernant les 10 promis au paradis, c'est qualitatif ou quantitatif? Qualitatif, c'est pas quantitatif, il n'y a pas que 10 promis au paradis. D'accord? Ceux qui ont participé à Badr, etc. aussi, ils sont promis au paradis. Ala kulli hal. Donc ici, il y avait des montagnes. Donc c'était un groupe très costaud, très solide. C'était des montagnes. Des montagnes de quoi? De science. Qui ont ici participé à la transmission de ce message divin avec le prophète alayhi salam. Et ça nous rappelle que tu as beau être le plus grand des savants, tu as beau être la personne la plus riche, wallahi, tu auras toujours besoin d'avoir auprès de toi des gens qui te soutiennent dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu auras toujours obligé, toujours besoin. La meilleure des créatures, le prophète alayhi salatu wassalam, ici, il a eu besoin, ici de qui? De as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. D'accord? Donc il n'a pas fait le travail tout seul. Et tout ce travail, ou plutôt les faits et les fruits qui ont découlé de ce travail, tout ceci est bien sûr bi idnillahi tabaraka wa ta'ala fayudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha. Allah guide qui il veut, ou il égare qui il veut, et il guide qui il veut. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide et c'est lui qui égare. Le prophète alayhi salatu wasalam a été la cause, pas tout seul. Abu Bakr a été la cause. Uthman ibn Affan a été la cause. Khadija a été la cause. Waraka a été la cause. Sa'd ibn Abi Waqqas a été la cause. Wahakada. Ils ont été la cause. Et ils ont sacrifié de leur bien, de leur argent, de leur santé et de leur temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, yu al-ikhwatul kiram. Et ce n'étaient pas des gens paresseux. Car si on veut ici que ad-da'wa avance et que l'islam se propage et que les musulmans soient en nombre, on se doit de sacrifier de notre temps, de notre argent, etc. pour arriver à ce but-là. Et bien sûr, comme on le sait, la récompense est de taille aussi. As-sahaba radiallahu anhu wa arda, ils ont été la cause avec le prophète que nous, au jour d'aujourd'hui, on soit là en train de parler d'eux. 14 siècles après. Mais la récompense est de taille. Leur récompense est de taille. Radiallahu anhum wa radu an. Dhalika liman khashya rabbah. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Allah il les a agréés. Il les a agréés à sahaba. Ils sont où? Au paradis. Vous au paradis, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Bien plus que cela, les meilleurs des créatures sur la surface de la terre. بعد الأنبياء وبعد الرسول هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم باتفاق العلماء. Les meilleurs des créatures. Après les prophètes et les messagers, c'est sahaba. Tout de suite après, c'est sahaba. Donc on voit, plus tu fournis du travail, plus tu auras des épreuves, plus ça sera dur et plus tu auras l'ajr. On n'a rien sans rien. Plus tu travailles et plus tu auras l'ajr. Mais plus tu travailles et plus accroche-toi pour les épreuves. Comme on va le voir ici tout au long de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam, il a formé ce groupe et il se réunissait, comme vous le savez, dans les maisons de Al-Arqam. Donc dans cette maison-là, de ce compagnon Al-Arqam. Et ici, c'est une maison où il se réunissait. Il était à peu près une trentaine. Et il se réunissait. Parce qu'on a toujours besoin d'un, une certaine base. On a toujours besoin d'une certaine base. D'accord? Pour pouvoir se réunir et pour pouvoir ici, alhamdulillah, ici, commencer à voir comment on va propager la religion, régler les conflits, réconcilier entre les gens, enseigner la religion. On a toujours besoin d'un point, d'une base, oui ou non, au jour d'aujourd'hui. C'est quoi cette base, entre guillemets? C'est les mosquées. On a besoin des mosquées. Donc on voit que la première des choses qui incombe aux musulmans quand ils se trouvent dans un endroit où il n'y a pas de mosquée, c'est de construire une mosquée. Comme le prophète alayhi salam l'a fait quand il a été, on va le voir par la suite, où? À Médine. Il a commencé par quoi? Alhamdulillah, la mosquée. On a la mosquée, alhamdulillah. Dans cette mosquée-là, on veut quoi? On veut des gens solides. On veut pas 1 million de personnes. On veut pas 2 millions de personnes. On veut pas 1000 personnes qui assistent au cours obligatoirement. Si on a 1000, alhamdulillah. Lakin, on veut quoi? La qualité. On veut quoi? La qualité. Le prophète a commencé tout seul. Aujourd'hui, je vais pas dire aujourd'hui. Depuis l'époque du prophète jusqu'au jour d'aujourd'hui, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de musulmans. C'est vrai ou pas? Le prophète, il a commencé tout seul. Avec qui? Abu Bakr, Khadija, Waraka, etc. Donc on veut la qualité. Et plus il y aura de la sincérité dans ton appel et dans ton prêche, et plus l'effet sera positif. Walillahi alhamd. Et tu le verras dans le concret. Ah, mais si tu es en nombre, et que la plupart sont tordus, ou que la plupart ont une intention entre guillemets, Allah al-musta'an. T'étonne pas si ici ton appel ou ton prêche n'avance pas et n'aboutit à rien du tout de concret et de positif. Donc ici on veut la qualité des gens solides dans la mosquée qui apprennent, alhamdulillah, et qui après qu'ils aient appris, qu'ils transmettent. C'est ça le but. Tu apprends, tu comprends, tu appliques, tu transmets. C'est ça le but. Tu apprends, tu comprends, tu appliques et tu transmets. D'accord? C'est ça le but, ayyuhal ahbab. C'est pas simplement d'apprendre et de rester chez soi, dormir. Abadan. Nous, on veut apprendre pour comprendre, pour pouvoir appliquer, pour pouvoir transmettre. On est d'accord? Faut bien comprendre ça. Ça rentre dans fiqh, ad-da'wa. On commence après avec qui? Avec les proches. Avec les proches. Quand tu as compris, tu as appris, tu as appliqué, commence avec les proches. Le prophète, il a commencé avec Khadija. Attention de vouloir sauver l'humanité. Et de faire da'watu illallahi tabaraka wa ta'ala l'ensemble d'une ville ou d'un pays, alors que toi déjà t'es tordu, ou t'arrives pas à éduquer ton nefs. Là t'as brûlé une étape. Ou bien, toi t'es masha'Allah, lakin ta famille, Allahul Musta'an, et tu fais pas les causes pour les... Là t'as rien compris encore. T'as pas compris encore ici. T'as pas respecté les étapes. Et ça, c'est à l'unanimité des savants, ayyuhal ahbab. À l'unanimité des savants, comme on le voit ici à travers les preuves tirées du Coran et de la Sunna. Tu apprends, tu comprends, tu appliques. Ya ayyuhal ladhina amanuqu anfusakum wa ahlikum naran. Et on va voir le verset coranique après qui prouve cela encore. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant le prophète alayhi salatu wa salam. Toi, tu es bien, ta famille, ta femme. Ta femme, va pas faire da'wah aux gens et ta femme, subhanallah, la adim, elle sait même pas faire les ablutions. Ou bien tu as un mauvais comportement avec ton épouse ou autre. Ou avec tes enfants, ou etc. Ta famille, tes parents, tes oncles, tes cousins, hakada, les plus proches. Ensuite, alhamdoulilah, élargis ta da'wah. Ou bien, fais avec ta famille la da'wah, mais en parallèle, fais aux autres. Il n'y a pas de problème. Mais ne brûle pas les étapes. Et ensuite, petit à petit, comme ça. Voilà comment, ici, le croyant doit aller doucement, mais sûrement. Donc, à ce moment-là, ils se réunissaient dans cette maison de Al-Arqam. Et cette da'wah a duré à peu près 3 ans. C'est-à-dire caché. Que entre eux. Donc ils étaient en train de former ce groupe solide. D'accord? Ce groupe solide. Et ensuite, au bout de 3 ans, passé les 3 ans là, voilà l'ordre qui est venu au prophète alayhi salatu wassalam de proclamer ouvertement ici cette religion qui est l'islam. Après 3 ans. Certains, wal'iyadu billah, ils vont dire, donc, nous, quand on commence à da'wah, je dois, et certains le font, attention, hein, ils disent, comme le prophète, alayhi sallam, a fait ce type de da'wah, c'est-à-dire d'appel à la religion pendant 3 ans, pendant 3 années, de façon discrète, à moi aussi, quand je rentre dans la religion, de ne pas transmettre la religion pendant 3 ans. Après passer les 3 ans, ça, je commence à faire da'wah aux gens. Il y en a qui le font, wal'iyadu billah. Et ça, c'est une pure innovation. Peut-être que ta da'wah cachée durera 10 ans. C'est vrai ou pas? Peut-être. Peut-être elle doit durer 20 ans. Peut-être elle durera 30 ans. Peut-être 50 ans, peut-être toute ta vie. Ça dépend de quoi? L'état des personnes. Ça dépend de quoi? De l'endroit dans lequel tu es. Quelquefois, tu ne peux pas proclamer l'islam ouvertement. Dû aux persécutions ou autres. Donc toi, tu n'es pas bête. Toi, tu n'es pas bête à aller proclamer ici l'islam. Yani, par exemple, dans un pays ou dans un endroit, donc ici c'est pas trop le cas, mais yani, où si tu sais que si tu appelles à l'islam ouvertement, tout de suite tu sais qu'on va te tuer. Ah, tu es fou pour dire, moi je vais appeler ouvertement. Non, donc à toi d'adapter ici ta da'wah selon l'endroit dans lequel tu vis. L'état des gens, la situation des gens, ça dure 1 an, ça dure 1 an, ça dure 10 ans, ça durera 10 ans. Al-Muhim, c'est que quand tu vois que, alhamdoulilah, le moment est venu, ici, de proclamer ouvertement l'islam, tu dois le faire obligatoirement. Et sans avoir aucune honte. Sans avoir aucune honte. Sans avoir aucune honte. Donc à ce moment-là, tu proclames ici la religion de l'islam. Et là, c'est obligatoire pour toi. Et les preuves en sont nombreuses. Parmi les preuves, le hadith al-sahih où le prophète alayhi sallam a dit « إِذَا رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. D'accord ? Si quelqu'un d'entre vous voit un munkar, qu'il l'arrête avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. S'il ne peut pas, avec son cœur, ceci est le degré le plus bas de la foi. D'accord? Il y a plusieurs preuves. Ici, sur Al-Amru bil-Ma'ruf, wa Nahi anil Munkar, etc. Mais, ici, on voit que quand tu vois que, alhamdulillah, ça ne va pas te porter un grand préjudice. Ici, le fait d'appeler ouvertement à l'islam, c'est-à-dire, on ne va pas te tuer, on ne va pas te faire un grand mal, etc. Donc, ici, tu dois obligatoirement appeler ouvertement. Et ça, c'est la preuve que, quelquefois, il faut, entre guillemets, excuse-moi du terme, fermer sa bouche. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des personnes, des prédicateurs, des machaïrs, etc., qui quelquefois, ici, ne peuvent pas dire les choses ouvertement. Donc, ici, il y a une da'wah qui s'est faite discrète de la part de la meilleure des créatures. Mohammed ibn Abdullah, alayhi salatu wassalam. La preuve, c'est une réalité, que ça peut arriver. Pendant 3 ans, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait ce type de da'wah, c'est-à-dire discrète. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, pendant cette période-là, donc on est toujours dans la da'wah discrète. Pendant cette période-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la sourate Ash-Shu'ara. Donc cette sourate-là a été révélée au prophète alayhi salatu wassalam. Hikmatullah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tout par sagesse. Allah azza wa jalla, on a bien vu que le prophète alayhi salatu wassalam, après qu'il a eu la première révélation, Allah a laissé une période passer. Pour ici laisser la peur se dissiper. Concernant le prophète alayhi salatu wassalam, pour préparer le prophète. Ensuite, Jibril alayhi salam est apparu sous sa vraie apparence. Monte de niveau, ya Muhammad. Donc là, le prophète alayhi salam se doit de monter de niveau. Donc il voit Jibril alayhi salam. Donc ici, il rentre chez lui, terrifié, une deuxième fois. Et ensuite, après cela, le prophète alayhi salam reçoit La révélation. Ya ayyuhal mudathir, qum fa anzir, wa rabbaka fa kabbir, wa thiyabaka fa fatahir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de transmettre ouvertement, de transmettre la religion, plutôt entre guillemets, la religion. Donc il commence le prophète alayhi salam le travail discrètement. Ensuite, pendant 3 ans, Allah subhanahu wa ta'ala révèle, avant de lui ordonner de proclamer ouvertement l'islam, il lui révèle la sourate Ash-Shu'ara. Et allez voyager un peu dans cette sourate. On parle de qui? De Ibrahim. On parle de qui dans cette sourate? De Moussa. On parle de qui dans cette sourate? De Nuh. On parle de qui? Ou plutôt, on parle de Salih. On parle de Shu'aib, le peuple de Thamoud, le peuple de Ad. On parle ici des peuples, ici, qui ont démenti et qui n'ont pas suivi leurs prophètes et les messagers. On parle de quoi dans cette sourate? Allah subhanahu wa ta'ala parle de quoi dans cette sourate? Qui a été révélée au prophète alayhi salatu wassalam pendant ces 3 ans avant que Allah lui ordonne de proclamer ad-da'wa ouvertement. Allah subhanahu wa ta'ala parle de quoi dans cette sourate? La patience qu'ont eu al-anbiya et wal-rusul, les prophètes et les messagers. Pourquoi? C'est clair. On comprend mieux maintenant. Quand on médite et on s'arrête quelques instants dans la biographie du prophète, tout par étapes. Pendant cette période, le prophète alayhi salatu wassalam, ici, reçoit ce verset coranique, ou cette sourate plutôt, ici pour préparer le prophète alayhi salatu wassalam à endurer. Et il rappelle qu'avant lui, il y a eu des prophètes, et qu'il y a eu des messagers, qui ont fait le travail que lui fait, et qui ont enduré, et qui ont supporté le fait que leur peuple ne les suit pas. Donc il prépare encore le prophète alayhi salatu wassalam. Il prépare encore, ici, le prophète alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle au prophète alayhi salatu wassalam, après ces trois ans, Allah azza wa jal, il révèle au prophète alayhi salatu wassalam, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Voilà que le prophète alayhi salatu wassalam reçoit l'ordre, ça y est, de transmettre. De transmettre à qui? À tout le monde, et principalement à ses proches. Allah azza wa jal, il dit, et le hadith est rapporté par Ibn Abbas, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, plutôt selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il dit, lorsque le verset, c'est Ibn Abbas qui parle, lorsque le verset, wa anzir ashirataka al-aqrabin, est averti ton clan le plus proche, sourate 26, verset 214, fut révélé au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam, regardez, Allah azza wa jalla dit quoi? Wa anzir ashirataka al-aqrabin, est averti ton clan le plus proche. Donc ça y est, il doit avertir son clan. Donc là, la da'wa, c'est la proclamation. La deuxième étape, ouvert. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va voir par la suite, il rappelle au prophète qu'à ce moment-là, il faut être ferme quant à cette da'wa, cette propagation. Ouvert. Là, Allah azza wa jal, il dit, et avertit ton clan le plus proche. Ibn Abbas dit, à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam monta sur le mont As-Safa et lança cet appel. Il a appelé plusieurs clans, plusieurs tribus, des tribus de Quraysh, et il continua son appel jusqu'à leur arrivée. Donc il les a appelés. Il les a appelés, ces différentes tribus de Quraysh. Et ceux qui ne pouvaient pas se déplacer dépêchèrent leurs représentants. Donc ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, ils emmenaient un représentant. Ça c'était une habitude qu'ils avaient à l'époque des Arabes, al-Quraysh. Quraysh, ici qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils voulaient faire un appel, ils montaient soit sur un mont ou autre, et il faisait l'appel devant tout le monde. Il disait, oh telle tribu, venez. Et il disait fort. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, voilà, ayyadu billah, chez certaines personnes. Mais de façon discrète. On va voir chez les gens, tu sais pas, t'as pas entendu un tel père, qu'est-ce qui lui est arrivé à l'akhor, et celui-là, qu'est-ce qu'il avait, hein? Masha'Allah. Donc on voit que ça va très rapidement. D'accord? Simplement, avant, ils avaient pas le téléphone, ils montaient sur un mont, ils appelaient. Et le prophète, alayhi sallam, l'a fait, il les a appelés. Et quand ils sont venus, le prophète, alayhi sallam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Donc ici, certains ne pouvaient pas se déplacer, dépêchèrent leurs représentants. À ce moment-là, Abu Lahab répondit lui aussi à l'appel. Et le prophète dit, donc il y avait Abu Lahab qui était présent. Le prophète, alayhi sallam, qu'est-ce qu'il dit? Si je vous disais que des cavaliers sont dans la vallée et qu'ils guettent le moment de lancer contre vous un assaut, me croirez-vous? Donc le prophète, il dit ça. Pourquoi on l'appelait comment avant qu'il ait la révélation? Mohammed, Al-Amin, le djinn de confiance. Tout le monde le croyait, ils avaient confiance en lui avant qu'il avait la révélation. Mais quand il est venu avec le haq, avec la vérité, le prophète alayhi salatu wassalam, ani'budullah, wajtanibut tagout, adorez Allah subhanahu wa ta'ala, et écartez-vous du tagout, comme on va le voir par la suite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hada sahar, hada majnoun, hada kadhab. Quand tu viens avec le haq, avant on t'aimait bien, mais quand tu viens avec la vérité, il y en a plein qui t'aiment plus. Comme le prophète, il était avec quoi? il était le djinn de confiance pour les Arabes. Mais quand il est arrivé avec le haqq, avec la révélation, et qu'il les a appelés à la vérité, ils ont dit quoi? Celui-là c'est un fou, celui-là c'est un sorcier, celui-là c'est un menteur, wa hakada. Donc le prophète il leur rappelle, il dit, si je vous disais ici que des cavaliers sont dans la vallée et qu'ils guettent le moment de lancer contre vous un assaut, est-ce que vous me croirez? Ils répondirent, on ne t'a jamais entendu mentir. Al-hikma du prophète alayhi salatu wasalam. Donc ils s'adaptent ici à leur situation. Ils rappellent, ils disent, si je vous disais quelque chose, donc ils donnent cet exemple-là, vous me croirez? Ils ont dit, bien sûr, on t'a jamais entendu mentir. Donc la porte elle est ouverte, maintenant transmet. Ça nous rappelle qu'on doit avoir l'hikma dans Ad-Da'wa. C'est quoi la hikma principale qu'on doit avoir dans Ad-Da'wa? Allez, qui me répond? D'après ça. On gagne les cœurs. Le prophète alayhi salatu wassalam, avant d'avoir fait Fethu Mekka, avant d'avoir ouvert ici la Mecque, conquéri la Mecque, il a conquéri quoi? Il a conquéri les cœurs. Il a gagné les cœurs. Avant de transmettre, fais-toi aimer. Avant de transmettre, fais que la personne qui soit en face de toi est prête à accepter ce que tu vas dire. Quand la personne, elle t'aime bien, elle aime bien ce que tu dis, tu as gagné son cœur, ça y est, alhamdoulilah, maintenant tu peux transmettre, tu peux monter de niveau. Et ça, c'est les étapes qu'on doit respecter dans le da'wa. Si toi, tu arrives dans une ville où il y a le bida', où il y a le shirk, où il y a des gens qui boivent de l'alcool, où les gens ils font même pas la prière, tu vas monter sur le mimbar et tu vas commencer à parler, bon, aujourd'hui, il y a une khutbah de Jumu'ah sur les règles de l'héritage. C'est logique ou pas? C'est illogique. Commence par quoi? Commence par At-Tawhid, la base, l'unicité. N'associez rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Adorez un Dieu unique. Ça, c'est ça qui va les préserver ici de l'enfer. Qui va être la cause, bi'idnillah, qu'un jour ils soient au paradis. Ensuite, monte d'étapes. La prière, c'est très important. Parleur de la étape par étape. Et avant ici de vouloir faire accepter quoi que ce soit à une personne, gagne son cœur. Gagne son cœur. Son cœur est gagné, fais passer la religion. Et rappelle-toi que toi tu es la cause. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Donc ne force pas ici les choses. Va étape par étape et doucement. Et ne t'afflige pas si les gens ne t'écoutent pas. Car le prophète alayhi salatu wassalam, ici, on voit que quand il a appelé les gens ici à l'islam et qu'il leur a présenté des miracles, il est venu avec des miracles, comme on va voir, la fonte de la lune, malgré ça, il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas cru et qui ont persisté quant au fait de dire c'est un fou, c'est un sorcier. Donc, ils ont menti sur le prophète. Ils ont menti sur le prophète. Naam, plus que ça. Ils ont menti sur Allah. Et ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un enfant. Ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant. Ils ont menti sur Allah. Toi, tu crois qu'ils vont pas mentir sur toi? Obligé, taban. Surtout quand tu prends ce chemin, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Quand tu prends ce chemin, le fait d'appeler les gens à la religion, obligatoirement, les gens vont mentir sur toi. Car le fait de mentir et de critiquer, et de toucher et de faire mal à une personne qui a une certaine notoriété et qui a de l'impact et qui appelle les gens à l'islam, ici, c'est plus intéressant pour les dénégateurs et pour les perturbateurs que de toucher et de critiquer, d'accord, et de faire mal à une personne qui a aucune notoriété et qui a aucun impact. C'est vrai ou pas? C'est clair. Quand tu vois ou quand les gens voient qu'une personne a de l'impact, donc le toucher et le faire mal, ça les intéresse plus. Même à une personne qui n'a pas d'impact, ou une personne qui n'a pas de notoriété, ou une personne qui n'est pas suivie par les gens, pourquoi ils vont parler sur lui? Et c'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, ils ont beau faire, ou plutôt, s'il leur arrive de faire une petite erreur, ça est khlas. Ça passe, hein, dans la page numéro 1 des journaux. D'autres personnes font pire, mais normal, ça passe crème, il n'y a pas de problème. Et ça c'est connu. Ça c'est connu, ayyuhal ikhwatul kiram, que ce soit à l'époque du prophète alayhi salam ou à notre époque. Donc ici, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'Abu Lahab était là, il est monté sur le mont de Safa. Et à ce moment-là, il leur a dit, est-ce que vous me croirez si je vous disais que des cavaliers sont dans la vallée et qu'ils guettent le moment de lancer contre vous un assaut, me croirez-vous? Ils disent, bien sûr, on t'a jamais entendu mentir. Le prophète reprit, je vous suis avertisseur d'un châtiment sévère. Je suis pour vous avertisseur d'un châtiment sévère. C'est alors qu'Abu Lahab, il dit, c'est pour cela que tu nous as rassemblés, ya Muhammad. C'est pour cela que tu nous as rassemblés, ya Muhammad. Et que tu périsses à jamais. Abu Lahab, il a dit au prophète, que tu périsses à jamais. C'est à cette occasion où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset coranique, Tabbat yada abi lahabim wa tab. Allah subhanahu wa ta'ala, au moment ici où Abu Lahab a dit que tu périsses à jamais, Allah azza wa jalla a révélé le verset coranique après, périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse ila akhir al-ayah. Donc, voilà ici la situation de Abu Lahab, ayyuhal ikhwatul kiram. Allah Azza wa Jal dit concernant Abu Lahab, qu'il périsse lui-même et que périssent ses mains. Pourquoi? Car il s'est opposé à ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dénigré le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dénigré l'appel du prophète alayhi salatu wassalam une seule fois. Après qu'il l'ait dénigré une fois et qu'il ait dit que tu périsses à Mohammed, voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle un verset coranique qui restera jusque la fin du monde, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Que dire de ceux qui critiquent le prophète alayhi salatu wassalam et qui dénigrent le prophète alayhi salatu wassalam et qui rient de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam wa l'ayyadu billah? La preuve que ce n'est pas un jeu, ayyuhal ikhwatul kiram. La preuve que ce n'est pas un jeu. Il faut faire très attention. Et aussi, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, d'après Abi Huraira, radiyallahu anhu arda, quand le messager d'Allah alayhi salatu wassalam reçu d'Allah et averti ton clan le plus proche. D'accord? Toujours ce verset coranique, Abi Huraira, il dit, quand il a reçu ce verset et averti, donc ce verset prouve que le prophète alayhi salatu wassalam devait proclamer ouvertement cette religion. Vous suivez? Ouvertement. Donc il dit, au peuple de Quraysh, rachetez vos âmes. Le prophète il a dit, au peuple de Quraysh, rachetez vos âmes. Ô Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, je ne puis rien pour toi auprès d'Allah. Ô Safiya, tante du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, je ne puis plus rien pour toi auprès d'Allah. Ô Fatima, fille du messager d'Allah, demande-moi tout ce que tu voudras de mes biens, mais je ne puis plus rien pour toi auprès d'Allah aujourd'hui. Donc il leur rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, à sa fille Fatima radiyallahu anha wa ardaha, et à d'autres qu'à partir d'aujourd'hui, il dit quoi? Si vous voulez des biens, prenez-les. Lakin auprès d'Allah, je peux rien pour vous. Je peux rien pour vous. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Personne ne portera le fardeau d'autrui au jour de la résurrection. Le prophète a compris que même sa famille, et il leur rappelle que ça y est. Là c'est quoi? Al-wala wal-bara. Hein? L'amour, ou plutôt l'amitié et l'inimité en Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'aimer et de détester en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui nous intéresse là, ayyuhal ikhwatul kiram. Le prophète leur rappelle que le prophète aimera en Allah et détestera en Allah. Qui ne peut rien pour les personnes qui se détournent du messager, même si c'est son père, même si c'est sa mère, même si c'est sa fille, même si c'est son oncle. Il ne peut plus rien pour personne. Auprès d'Allah, il ne peut plus rien. Et ça nous renvoie encore au verset coranique. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. أي في ذلك اليوم الذي يبتعد الولد من أبيه وهكذا. Ça c'est ce jour-là où l'enfant va fuir de son père, le père de son enfant, le mari de son épouse de son mari, et le mari de sa conjointe, et de ses enfants, de sa mère et de son père. Le jour où le يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, le frère va fuir de son frère, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, de son père et de sa mère, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, de sa compagne et de ses enfants. Le jour de la résurrection, tu ne pourras plus rien pour personne. Le prophète leur rappelle ça au début de sa da'wah, en leur disant, moi je peux rien pour vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà que le sang était répandu chez les Arabes, na'am, à cette époque. Alors que le prophète il commence cette da'wah ici, ouverte. Alors que le sang était répandu, il y avait la prostitution, il y avait le meurtre, il y avait des choses, Allah nous musta'an, concernant Al-Kaba'ir. Ici dans l'islam, il avait des grands péchés qui étaient faits à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, au moment où il a reçu l'ordre d'appeler et de proclamer ouvertement cette religion. Na'am. Donc on a rappelé les comportements qu'avaient les Arabes à l'époque de l'Jahiliya, du paganisme. Donc ils faisaient toutes sortes de comportements rejetés et qui font partie des grands péchés en islam. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a commencé par, dans sa da'wah, par le fait de leur interdire de quoi? De boire de l'alcool? Abadan. Est-ce qu'il a commencé quant au fait de l'interdiction de tuer une âme qu'Allah Azzawajal a rendue sacrée? Est-ce que le prophète a commencé par le fait que c'était interdit d'enterrer sa fille vivante alors qu'il le faisait à l'époque de l'Jahiliya? Est-ce que le prophète alayhi salam, il a commencé par quoi le prophète alayhi salam? At-tawhid. Le prophète il a commencé par at-tawhid. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans son appel à cette religion, il a commencé par at-tawhid. Il a commencé par al-aqidatu sahiha, par les dogmes et les croyances authentiques, par l'unicité, car c'est ce que tout prêcheur, tout savant, tout imam, ce par quoi doit commencer tout savant, tout prêcheur, tout imam, c'est at-tawhid. Parce que tous les prophètes et tous les messagers ont commencé par at-tawhid. كما بين ذلك رب الأرض والسماوات في كتابه العزيز في كثير من الآيات على كل حال قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا Rasulan ani'budullah wajtanibu at-taghut. Comme Allah Azza wa Jalla dit, il dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, quoi? Adorez Allah et écartez-vous du taghout. Donc là, on sait que tout prophète et tout messager, à travers de nombreux versets coraniques, tout prophète et tout messager ont tous commencé par at-tawhid. Car toute personne qui associe quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne lui pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. La yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalik. Ça c'est la preuve qu'on doit commencer par tawhid, car Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part ça, il pardonne qui veut. N'importe quel grand péché, peut-être qu'Allah il te pardonnera. Azina, ou boire de l'alcool, ou la fornication, ou le vol, peut-être qu'Allah il pardonne. Mais ça c'est une promesse d'Allah. Si tu meurs alors que tu as fait shirk dans un état d'association, c'est-à-dire tu as associé Allah et tu es mort, c'est pas tu as fait shirk et tu t'es repenti, non. Tu es mort alors que tu étais associateur. Allah te pardonnera pas, wal'iyadu billah. C'est pour ça qu'on doit commencer par tawhid, l'unicité. Apprendre aux gens qu'on doit adorer qu'Allah, qu'on doit sacrifier pour Allah, qu'on ne doit pas aller voir des devins, qu'on ne doit pas aller voir des sorciers, qu'on doit ici adorer Allah, craindre Allah, placer sa confiance en Allah, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, chercher secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et n'associer rien ni personne à Allah subhanahu wa ta'ala, même pas dans les actes d'adoration. Même pas dans les actes d'adoration. Claire, ashirkul khafi c'est quoi? Hein? Iyakum wa ashirkul khafi. Attention. Méfiez-vous de la petite association. Ils ont interrogé le prophète, ils ont dit c'est quoi? Et le prophète il a dit quoi? Arriya, l'ostentation. Et ça c'est le fait d'associer Allah Azza wa Jal dans les actes d'adoration. Tu fais salat comme le prophète Aïssam l'a dit dans le hadith al-sahih, il a donné un exemple. Et ça c'est une personne qui se lève pour faire la prière et voilà qu'il voit des gens le regarder et yuzayyin, il embellit quoi? Sa prière, parce que les gens le regardent. Ça c'est quoi Arriya? Ça c'est quoi Arriya? Et c'est quoi l'association al-shirk? Mais c'est une petite association. La personne qui fait cette petite association ne sort pas de l'islam. Si, ici, il croit en Allah, au messager, etc. Lakin, ici, c'est une petite association. Et les savants disent qu'une petite association, c'est plus grave que n'importe quel grand péché. Juste la petite association. Que dire de quoi? De la grande association. Et voilà que le prophète, alayhi salatu wasalam, a commencé avec quoi? Avec at-tawhid. Ici, at-da'wa avec at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que nous, on a tous cette responsabilité, ici, de faire at-da'wa. Et on a dit, on commence par quoi? Par nous-mêmes. Toi t'es bien, mashallah, t'as appris une chose, tu l'as compris, tu l'as appliqué. Tu l'as appliqué. Après tu appelles qui à cette religion? Tes proches, ton épouse, tes parents, tes frères, tes enfants, tes sœurs. Tu commences avec quoi? Tu commences avec quoi? Donc il faut qu'on comprenne là. On a porté les preuves, on commence avec quoi? At-tawhid. Tu vas voir ton père, tu vas voir ta mère. Est-ce que tu vas voir Moulay Foulen? Est-ce que tu vas voir Moulay Abdullah? Est-ce que tu vas voir Moulay Idriss? Est-ce que tu leur demandes? Ça c'est shirk billah, wal'iyadu billah. Avec hikma, ud'u, al-kayf, madhkur fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala, ud'u, al-amru lil-wujub. Ça c'est la preuve que c'est obligatoire. Appel, ud'u, ila sabili rabbika, kayf ya Allah, bil-hikmati wal-maw'idati l-hasana. Par, ici, la sagesse et la bonne exhortation. Avec hikma, ya abi, ça c'est du shirk. Pourquoi tu vas demander à lui alors qu'il est mort? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Toi tu dois mourir, ya Muhammad, et tout le monde devra mourir. Tout le monde doit mourir et tout le monde va rendre ses comptes auprès d'Allah. Il peut rien pour toi, demande à Allah. Qala alayhi sallam idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. C'est le prophète qui l'a dit. Wa hakada, commence avec ta famille, avec at-tawhid, les éloigner de shirk. Ensuite tu leur rappelles al-akhirah. Le prophète alayhi sallam, il leur a parlé de quoi après at-tawhid? Ce qui fait partie de l'aqidat al-sahiha, il aura parlé de quoi? Al-akhira. Al-bahth. Le fait que tu vas quoi? Ressusciter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection. Et ça, les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam reconnaissent la résurrection. Les chrétiens reconnaissent la résurrection. Les juifs reconnaissent la résurrection. Le prophète, il aura parlé de quoi? La résurrection. Et il aura rappelé al-akhira. Wa hakada. Il a commencé avec tawhid, ensuite, ici, al-akhira. C'est à quelle heure, l'Aïcha? À 4. D'accord, il nous reste 2 minutes, Charles. Là, on a pris les 10 minutes. La harash. Ala kulli hal, ici, Abu Talib, pour terminer ici, son oncle, c'était l'oncle du prophète. Donc on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au prophète alayhi sallam d'appeler ici ouvertement à l'islam et de commencer par son clan ou les clans les plus proches. D'accord? Wa anzir ashirataka al-aqrabin, comme a dit Allah. Donc, le prophète, il se devait d'appeler Abu Talib. Abu Talib. Que Abu Talib, on sait que celui-là, ce personnage-là, a aimé le prophète alayhi salam, a protégé le prophète alayhi salam, et ici, il a pris sous sa responsabilité, sa tutelle, le prophète alayhi salam, quand son grand-père, Abd al-Muttalib, est mort. Donc, il a commencé avec lui aussi. Abu Talib n'a pas voulu croire au message divin. Il n'a pas voulu attester qu'il n'y avait de Dieu qu'un Dieu unique et que Mohammed était son envoyé. Mais il reconnaissait, mais il ne voulait pas ici l'attester ouvertement. Il reconnaissait que le prophète alayhi salatu wasalam n'était pas un fou, n'était pas un menteur. Lakin, il n'a pas attesté clairement qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a d'autre Dieu, il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique et que Mohammed alayhi salatu wasalam est son envoyé. Mais Abu Talib a juré, après que les Quraysh ont tenté de convaincre Abu Talib ici de détourner le prophète alayhi salatu wasalam de cet appel et de renoncer à cet appel et de renoncer au fait de détourner les gens de cette religion qui est la religion de l'islam, Abu Talib, il a juré qu'il soutiendrait le prophète alayhi salatu wasalam jusqu'à sa mort. Alors que c'était un mouchrik associateur. Ça, c'est la preuve que quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il peut mettre ici à ta disposition même des non-musulmans qui vont être bénéfiques quant à l'avancée de l'islam. Et qui vont même peut-être te protéger. Et qui vont te soutenir. Et qui vont t'aider. Naam, Abu Talib, qui a aidé, qui a soutenu, qui a protégé la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Alors que Abu Talib est mort, alors qu'il n'a pas été musulman. Alors qu'il a renié l'islam. Il n'a pas voulu attester qu'il n'y avait de Dieu qu'un Dieu unique. Mais malgré ça, il a aidé le prophète alayhi salam. La preuve que quoi? Même un non-musulman, il peut t'aider. Même un non-musulman, Allah subhanahu wa ta'ala peut le mettre à ta disposition pour te soutenir. Faut pas dire, c'est un non-musulman, a'udhu billah, j'ai pas le droit de parler avec lui, j'ai pas le droit, il a pas le droit de m'aider, il a pas le droit de participer à un projet islamique, il a pas le droit. Abadan! Est-ce que le prophète alayhi salam, il montrait son inimité envers les non-musulmans? C'est obligatoire! Mais c'est quoi l'inimité? Comment tu la comprends, toi, cette inimité? Le prophète alayhi salatu wasalam, il a quoi? Il a aimé Abu Talib ou pas? C'était pas un amour en Allah. Mais il a eu cette affection naturelle, oui ou non? Bien sûr! Il visitait Abu Talib. Et il a reconnu que Abu Talib l'a aidé. Et il a fait même une invocation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir par la suite, pour l'allègement du supplice pour Abu Talib. Donc il a aimé Abu Talib. C'était un associateur et le prophète il a montré son inimité. La preuve que quand tu montres ton inimité envers un non-musulman, ça ne veut pas dire que tu lui parles pas ou que tu ne te comportes pas bien avec ce personnage-là. Donc ici, là, à ce moment-là, on arrive vers la fin ici de cette deuxième étape concernant ce deuxième appel ouvert du prophète alayhi salatu wassalam et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le verra inshallah ta'ala la semaine prochaine, pour passer au nouveau sujet concernant la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Rapidement, je vous rappellerai ça la semaine prochaine inshallah ta'ala. Allah azza wa jal rappelle ici au prophète alayhi salam qu'il ne doit pas s'attrister et qu'il doit patienter dans de nombreux versets coraniques après que le prophète alayhi salam ait eu mal, après que les dénégateurs ici, on commençait à rire du prophète alayhi salatu wassalam, on commençait à dénigrer le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète a eu mal, et Allah subhanahu wa ta'ala a réconforté le prophète alayhi salatu wassalam à travers de nombreux versets coraniques pour soutenir le prophète alayhi salatu wassalam, et voilà que quand les dénégateurs, Quraysh, ils ont vu que ça ne menait à rien du tout, le fait de rire sur le prophète alayhi salatu wassalam, de mentir sur lui, de l'accuser de fou, ils ont commencé à les toucher physiquement. Et c'est le nouveau sujet, ou plutôt le prochain sujet, la semaine prochaine, inshallah ta'ala, concernant les persécutions qu'ont reçues le prophète et surtout as-sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, wallahu ta'ala a'lamu ahkam wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil.